谁安慰？ Tu l'as fait à partir 1 ? Eh merde. Attends. c'est pas évident de choper ce putain de clic.